Le silence était fait sur ce cruel épisode de ma vie quand, 3 mois après la journée du temple évangélique, un inconnu déposa chez moi un paquet à mon adresse correctement libellé, mais sans aucune indication de provenance. C'était un livre, Le Paradis perdu de Milton, l'édition anglaise moderne, avec l'essai du docteur Channing et la critique d'Addison. À la première page était écrit le nom de mon ami et la date, Christchurch, 1854, Oxford. J'ouvris le livre avec émotion. La plupart des marges contenaient de la main de Sir W., écrite au crayon, les pensées que lui avait suggérées la lecture de son poète favori. C'était donc un souvenir de sa jeunesse à l'université, alors que son cœur s'ouvrait aux sensations profondes et allait goûter la vie. En feuilletant l'exemplaire, quelques feuilles écrites à la main s'en échappèrent. Je reconnus qu'elles avaient été arrachées à un de ces carnets intimes sur lesquels on écrit les menus faits de chaque jour pour les garder à la mémoire et se les représenter. Sur l'une de ces feuilles, à la date de juin 1867, date du jour où nous nous étions rencontrés pour la première fois, Sir W. avait noté notre conversation et, par un mot décisif et plein de sympathie, avait exprimé le vif souvenir qu'il en avait gardé. Sur chacune des autres feuilles, mon nom revenait souvent, mêlé aux incidents de la journée, comme si cet être timide et doux avait voulu, dans la solitude et le secret de ses épanchements, prendre sa revanche de la réserve de son caractère. Et il l'avait fait avec une chaleur d'amitié dont l'expression posthume ravivait encore le souvenir que je gardais de lui. Mais pourquoi cet envoi restait-il ainsi mystérieux? Pourquoi cette réticence à l'égard de celui dont ces pages avaient révélé à ceux qui avaient le droit de les lire, et mon existence, et le lieu de ma demeure, et l'intimité des liens qui s'étaient formés entre nous? Ils savaient désormais que j'existais, que j'avais eu une grande part à la vie parisienne de Sir W., que jusqu'au bout je lui avais été fidèle. L'envoi lui-même ne pouvait venir que d'une âme tendre, d'une main compatissante qui voulait, par un tel souvenir, me donner une preuve de sa reconnaissance. C'était quelque chose, sans doute, mais ce n'était pas assez pour moi. J'eusse voulu entendre un cri du cœur, sentir un élan, quelque chose de plus spontané, l'appel d'un père, d'une mère ou d'une sœur, devenus les confidents de notre commune amitié par la lecture de ces pages d'outre-tombe. Il me semblait que, par-delà le détroit, plongés dans l'incertitude et dans la nuit au sujet des destinées de leurs fils et de leurs frères, juste au moment où, plein de vie et d'espérance, jeune, joyeux, fort d'une nouvelle amitié qui allait compter dans sa vie, il l'attendait à chaque instant, ses parents auraient voulu sortir de leur incertitude, dissiper les ténèbres et tout apprendre enfin des derniers moments de Sir W. Mais il était dit que je trouverais toujours entre moi et ceux que je voulais connaître cette barrière infranchissable, élevée par le caractère et les convenances. L'été suivant, poursuivi par le même souvenir, je me persuadais que je me devais à moi-même de constater le développement qu'avaient pris les collections de Londres et renoué au British Museum, au National Gallery et dans la société anglaise, mes relations interrompues par de longs voyages. Une fois là, je pris part au divertissement de cette vertigineuse season où les insulaires goûtent en un jour plus de plaisir que nous n'en subissons pendant une semaine tout entière dans notre Paris fiévreux. Bientôt saturé de réunions, de routs, de parties de jardin, de matchs et autres distractions brillantes, mais banales et bonnes tout au plus pour les hommes d'un âge encore tendre, qui poursuivent un flirt sérieux, je répondis par une excuse aux 10 petits billets du matin qui me liaient pour la semaine suivante, je bouclai ma malle, pris le railway qui mène de Londres à Portsmouth, et quelques heures après, je m'embarquai pour les îles du groupe de White et faisais mon entrée à Coves, dans une délicieuse auberge à l'enseigne bizarre, Crab and Lobster. Le crabe et la langouste est une de ces hôtelleries pittoresques du temps de George IV, telles qu'on en voit dans les jolies estampes coloriées du siècle dernier, avec une servante à cordes sur le pas de la porte, les 3 jolly postboys de la chanson populaire en train de vider leurs flacons, et au relais, la lourde chaise de poste à caisse jaune serein, avec son postillon frisé en train d'agacer l'hôtelière. Un écrivain anglais raffiné et sans préjugés m'avait indiqué le lieu comme une revanche des grands caravansérails métropolitains et terminus où les voyageurs sont opprimés, catalogués et cotés au taux de leurs dépenses personnelles. Là, du moins, pas de garçons d'hôtel en habits noirs raides et rogues, pas de couloirs immenses, sourds et solitaires, où le voyageur égaré revient sans cesse sur lui-même, pas d'ascenseur menaçant qui vous porte à des hauteurs vertigineuses, sous les plombs, à la cellule numérotée que vous ont méritée, à la descente à l'hôtel, votre mince bagage, vos manières tranquilles et votre ton modeste. Dans ce nid de verdure, tout était net, propre, vivant, sympathique et inattendu. La vue de ma fenêtre était délicieuse, le toit était bas, je l'avoue, et j'avais l'air d'habiter une jolie cabine sur le pont d'un navire. Mais de là, je découvrais le pier avec tous les yachts à l'ancre et la grande jetée qui relie les îles. Tout au plus pourrais-je prêter à rire aux servantes par mon accent et ma prononciation, être condamné à un ordinaire trop national, et réunis enfin par les quelques amis anglais que je risquais de rencontrer dans l'île, comme étant descendu dans un lieu peu distingué. Pour mon accent, je venais à Londres décidé à savoir être ridicule un moment, pour l'être un peu moins plus tard en me perfectionnant dans la langue. La nourriture nationale d'un pays est celle qui a toujours mes préférences, et je trouve logique de l'accepter. Enfin, pour les swells qui m'auraient renté, leur opinion ne m'importe guère, et encore aujourd'hui j'aime à la braver. Ce groupe des îles de Wight, Cowes, Ryde, Shanklin, Needles et Ventnor constitue pour les Anglais une charmante résidence d'été. Vers la fin de juillet et pendant tout août, c'est le temps de venir s'y reposer des fatigues de la saison. La puissance de la végétation y crée l'illusion d'une nature méridionale. Les plantes exotiques poussent en pleine terre, les lianes et les arbres à feuillage coloré atteignent des proportions énormes, débordent des jardins et balancent leur ombre sur la tête des passants jusque dans les chemins creux qui ressemblent à de frais et verts tunnels. Les routes de l'île sont sablées et sarclées comme des allées de parc, et de même que cette nature s'offre au regard, propre, coquette, peignée à souhait, les promeneurs, par leur élégance, sont à l'unisson du paysage. Les cottages pittoresques, mouvementés de plans et qui cachent sous un aspect rustique une recherche de confortable définitif et achevé, ne se dénoncent derrière les paravents de verdure que par les épis et les girouettes des toitures qui percent les dômes sombres ou bien par la rayure bariolée des stores élégants qui protègent les bow windows. Ça et là, de petites barrières champêtres, mises élégamment au ton de cette nature un peu artificielle, laissent entrevoir de fraîches pelouses où la lumière se reflète dans un petit lac peuplé de cygnes et partout, suivant la saison, les grands bouquets sanglants des fuchsias en arbustes où les rhododendrons mettent leurs notes rouges sur le vert sombre. Les murs sont inconnus, les haies fleuries servent de limite mitoyenne et parfois la mer vient baigner les terrasses des villas. Aussi, quand une atmosphère de plomb pèse sur Londres, la brise du large se fait sentir dans l'île tout entière et rend ce séjour agréable. J'avais appris à Londres que le père de Sir W., après de longs travaux à la mer, s'était retiré à Cowes pour y finir ses jours. Là aussi devaient reposer les restes de mon ami. Ce n'est pas le hasard qui avait déterminé le choix du vieil amiral. Cowes est la plus maritime des îles du groupe. Elle sert de quartier général aux yachts de presque toute l'Angleterre. On y a constitué un club élégant, sorte de bureau veritas, où les amateurs des deux mondes trouvent toutes les informations relatives à la navigation, à la direction prise par chaque embarcation, son itinéraire, ses escales, le départ certain et le retour probable. Portsmouth, le grand port militaire, est en face de l'île. C'était donc bien l'asile d'un vieux marin habitué à la vie du bord et qui, jusqu'au dernier moment, voulait entendre gronder la vague et voir flotter les pavillons au mât des vaisseaux de haut bord. En arrivant au Crab and Lobster, mon premier soin avait été de demander des fleurs pour les porter sur la tombe de William. La jeune fille de l'aubergiste ne put s'empêcher de sourire en me voyant lier la gerbe brillante qu'elle croyait destinée à quelque galant présent, mais elle devint confuse lorsque je lui demandais simplement le chemin qui menait au cimetière. Groupés autour des églises, les chants des morts chez les évangélistes ont un aspect de gravité que n'ont point les nôtres, où nous jetons les fleurs à pleine main et les renouvelons sans cesse comme si nous voulions opposer la vie à la mort. À cause, la douceur de la température, la situation bien abritée contre le vent et la force de végétation particulière à ces îles, on fait du cimetière un frais jardin semé de croix et de stèles qui disparaissent sous le lierre. Un vieux fossoyeur à la Hamlet, celui-là même qui avait creusé la fosse, sut me l'indiquer sans hésitation. La tombe était toute récente, Des fleurs fraîches venaient d'y être déposées, et sur la pierre encore blanche, au-dessous du nom de mon ami, on avait réservé la place pour ceux qui viendraient se reposer après lui. Au sortir de l'enceinte, je fis le tour de l'île, bien résolu à ne faire aucune démarche auprès de la famille de Sir W. et à ne même point lui révéler ma présence. Cependant, je ne voulais point partir sans me faire indiquer la demeure du vieux marin. Ce cottage de Belle Dorney, connu de tous et dont le nom revenait si souvent dans les récits de William. Belle Dorney s'élève au fond d'un jardin plein d'ombre, discrètement caché au regard, ouvert seulement du côté de la mer, dont il n'est séparé que par une terrasse surplombant le chemin qui mène au pier ou au quai de débarquement. L'habitation disparaît sous le feuillage. Je jetai les yeux au défaut de la haie en faisant le tour. Tout était silencieux comme si la demeure était abandonnée. Engagé dans le chemin en pente qui mène à la mer, j'allais me retirer en allongeant la terrasse pour gagner le port, quand un bruit de voix au-dessus de ma tête me fit lever les yeux. À l'entrée d'un petit pavillon de chaume destiné à abriter contre le vent du large, presque au niveau du regard du passant, trois personnages, les yeux fixés sur l'horizon, semblaient jouir de la fin d'un beau jour et du spectacle du soleil couchant. Un grand télescope, sur son trépied, à côté d'une table couverte de journaux et de livres, faisait le premier plan de ce tableau. Un vieillard à barbe blanche, les épaules couvertes d'un plaid, en occupait le centre. À côté de lui, silencieuse et grave, était assise une femme pâle et triste, aux longs bandeaux argentés, austèrement vêtue de noir. Le troisième personnage, une grande et belle jeune fille, presque une femme, vêtue de deuil elle aussi, s'est élevée en entendant crier le sable sous mes pas. Elle vint se pencher légèrement sur l'appui de la terrasse, les deux bras en avant, me laissant voir sa taille souple et sa fière silhouette qui se détachait sur le fond de la verdure. C'étaient les hôtes de Belle Dorney. J'étais, à n'en pas douter, en face de l'amiral W. et de sa femme. Quant à cette belle et fière jeune fille, c'était Nelly, la sœur de William, dont celui-ci, dans nos longues causeries, me parlait si souvent avec une tendresse mêlée d'enthousiasme. Nous étions si près l'un de l'autre que j'aurais pu tendre la main et crier à la sœur de mon ami que cet étranger sur lequel ses yeux s'arrêtaient par hasard était venu de France pour jeter des fleurs sur la tombe de son frère, qu'il souffrait du silence de ceux qui devaient le pleurer encore et qu'il leur apportait, avec le souvenir le plus vif et le plus pur, l'écho de la dernière parole que William avait prononcée. Mais le mouvement avait été rapide comme l'éclair. La belle Nelly s'était vivement rejetée en arrière dès que nos yeux s'étaient rencontrés. L'amiral se dressait lentement sur son fauteuil d'osier pour tenter de voir par-dessus les branches qui me cachaient. Quant à la pauvre mère, indifférente à ce banal incident, elle laissait passer l'étranger sans même lui jeter un regard. La soirée à l'hôtel me parut longue et la nuit fut pénible. Il fallait s'éloigner. J'essayais de tromper le temps depuis le lever du jour, mais le bateau partait à 3 heures, et il était 1 heure à peine. Ma valise était prête, mon compte réglé, et j'avais fait mes adieux au patron du Crab and Lobster. Sans me rendre bien compte de l'inquiétude qui me faisait ainsi devancer l'heure, je piétinais sur le quai, indifférent au spectacle pittoresque du va-et-vient des étrangers qui débarquent des yachts ou de ceux de l'île qui se rendent à bord. Et presque sans m'en douter, je suivis la plage et me retrouvai sous la terrasse de Belle Dorney. J'aurais bien pu suivre droit devant moi, ou revenir sur mes pas, mais poussé par je ne sais quel besoin d'émotion, je m'engageai dans le petit chemin creux qui contourne le cottage et me trouvai à l'entrée. Le petit gate en bois surmonté d'un large auvent qui disparaît sous le lierre était entr'ouvert, et le facteur venait de remettre le courrier. Sans même songer à ce que j'allais faire, je tendis ma carte au serviteur qui me regarde avec étonnement et me fit signe d'entrer. Je le suivis dans le jardin où j'attendis longtemps devant le grand window du rez-de-chaussée. Les visiteurs devaient être rares, car je voyais des ombres passer et repasser derrière le vitrail, et je sentais que ma présence causait un certain émoi. J'étais déjà tenté de retourner en arrière, mais debout au seuil, celui qui m'avait introduit me conviait à entrer et se retirait en me laissant seul à l'entrée d'un vaste salon dont la porte était grande ouverte. Tout au fond de la pièce, le vieillard que j'avais vu la veille pressait les deux dames en deuil de se retirer et les poussait doucement vers la sortie comme s'ils avaient insisté pour rester. Il leur parlait à voix basse, craignant sans doute d'être entendu. et je l'entendais répéter vivement les mêmes mots « Don't fuss, don't fuss ». Je reculai vivement jusqu'au seuil du jardin où le vieillard, les deux mains ouvertes, la figure souriante, venait me chercher et d'un geste hospitalier me conviait à entrer. Il s'excusa d'abord d'être seul à me recevoir. Safinelli, qui, me dit-il, parlait admirablement le français, l'eût été d'un grand secours. J'allais lui exposer le but de ma visite, mais comme s'il avait hâte d'éviter toute allusion pénible, il me coupa la parole et me fit comprendre que mon nom seul suffisait pour être introduit, puisqu'il savait tout de moi par les lettres de William. Et décidé à ne point s'attendrir, comme le domestique venait de poser sur un guéridon un plateau avec une vieille bouteille de porto et deux verres, il alla droit à la table, versa deux rasades, et en homme dont l'ouïe est un peu faible et qui parle trop, afin qu'on lui réponde sur le même ton, il se campa devant moi en me tendant un verre et me demanda avec véhémence « Are you a good sailor ?»« Bon marin, je ne le suis plus dès que le vent souffle en tempête, mais ma traversée, cette fois ayant été favorable, je l'avais bien supportée. » Et je racontai au vieillard qu'étant resté une fois sur mes ancres pendant 5 jours dans le port de Ceuta, faute de pouvoir débarquer en raison du gros temps pendant ces 5 jours, j'avais eu le cœur sur les lèvres et la tête lourde, et m'étais refusé toute nourriture autre que des oranges et quelques gorgées de rhum. Et le bon vieillard, de rire bruyamment, d'une façon peut-être exagérée, en choquant mon verre à la française, m'assurant que pour lui, de tout temps et même aujourd'hui, si l'âge ne lui eût point fermé la carrière, il n'y avait pas sur le globe, dont il avait fait 3 fois le tour, un point plus particulièrement sympathique où il se sentait plus à l'aise que le pont de ce navire ballotté par les vagues au centre même de l'Atlantique. Cause lui plaisait parce que du haut de sa terrasse, à certains jours sans brume, il pouvait lui aussi passer en revue la flotte anglaise. Une fois même, son vieux cœur de marin avait battu bien fort en voyant passer, flamme au vent, son propre vaisseau amiral, celui sur lequel, pour la dernière fois, il avait planté son pavillon. Et sur ce propos, il fallut boire à la France et à l'Angleterre, qui, disait-il, auraient à elles deux dominé le monde, si l'on avait su s'entendre. Tout cela était cordial, mais l'heure passait, et jusque-là nous n'avions prononcé le nom de William que pour éviter de parler de lui. Debout depuis un instant devant le vieillard qui tournait le dos à une petite serre annexée au salon où nous étions, je pouvais, sans être vu moi-même, suivre derrière le feuillage le mouvement de 2 silhouettes sombres et distinguer la belle Nelly qui, se croyant cachée, essayait de surprendre notre entretien. L'amiral, en éloignant sa femme et sa fille, avait évidemment voulu leur éviter une scène douloureuse, et là encore, je me heurtais à ce respect humain qui répugne à donner à autrui le spectacle de son émotion. La pendule marquait 2 heures. Le bateau n'attendait point. Décidé, avant de m'éloigner, à dissiper le remords qui était en moi, et par une suprême explication que je devais à la famille, à dissiper la nuit où l'avait plongée la fatale nouvelle, sans préparation, sans transition, placé de telle façon que la mère et la sœur de William ne pouvaient perdre un seul mot de ce que j'allais dire, je prononçai résolument le nom de mon ami et rapidement j'expliquai tout, je justifiai mon silence et le leur, je dis la soudaineté de l'attaque, ma surprise, mes efforts et mon impuissance, enfin mes tentatives successives qui n'avaient rencontré que froideur et réticence. Je ne leur épargnai même point le récit de la lugubre cérémonie en face de Lord H., où, convaincu de mon devoir, j'avais encore été arrêté par je ne sais quelle pudeur inhumaine et par la loi étroite des conventions. Retombé dans la nuit et condamné à l'impuissance, j'essayai d'oublier, quand tout d'un coup cet envoi d'une main mystérieuse, le Milton et les feuilles détachées du carnet auquel mon ami avait confié le secret de notre rapide sympathie, envoi que je devais évidemment à quelqu'un de la famille, m'avait rattaché à son souvenir. Alors, sous l'obsession d'une idée fixe, j'avais résolu de venir m'agenouiller sur la tombe de William, de dissiper les doutes de ceux qui le pleuraient, et en faisant saigner une dernière fois leur blessure, essayer de la guérir. Désormais, leur tristesse profonde, inassouvie, toujours ravivée par l'idée de cette fin mystérieuse, devait perdre de son acuité et se changer en une mélancolie qui ne serait point sans douceur. J'avais apaisé mon cœur, le leur aussi devait être apaisé, et je pourrais du moins associer au souvenir de William celui de ceux qu'il avait aimés et garder leurs traits dans ma mémoire. Pendant que je parlais, la porte de la serre s'était ouverte, et sans que le vieillard qui m'écoutait la tête basse, enfoncé dans son fauteuil, eût pu s'en douter, Nelly s'avançait lentement, le front haut, les yeux fixes, buvant mes paroles, soutenant sa pauvre mère, pâle, chancelante et les yeux rougis par les larmes, comme une madone des douleurs. Quand j'eus fini de parler, avec une sorte d'exaltation joyeuse qui me prouvait qu'en soulageant mon propre cœur, je leur apportais moi aussi une consolation suprême, la jeune fille me tendit la main et serra la mienne avec effusion en me criant « Merci, merci !» À la voix de sa fille, le vieillard s'est élevé, la pauvre mère me tendait les bras, et nous étions là, presque confondus dans un embrassement, quand le bruit d'un coup de canon me fit tressaillir et l'amiral s'écria d'un ton presque joyeux « Il est trop tard !» Le vapeur de Portsmouth passait devant nous, je n'avais plus d'autre ressource, jusqu'au lendemain à la même heure, que celle de retourner au Crab and Lobster, à moins d'accepter l'offre du vieillard, qui, ayant repris tout son sang-froid, sans même attendre ma réponse, donnait l'ordre d'aller reprendre mon bagage au bureau du steamer. En même temps, sa femme et sa fille, qui avaient essuyé leurs larmes, redevenues femmes pratiques et maîtresses de maison, allaient vivement préparer mon installation. Je ne tentais même point de résister, car je me sentais sous le charme. Ma présence devait être un bienfait pour tous, puisque je gardais le reflet d'un être aimé. Pendant que ces dames s'occupaient de moi, l'amiral, plus alerte que je ne l'aurais supposé, me faisait visiter Beldorny, le jardin, l'écurie, les serres, et nous revînmes nous asseoir sous le pavillon où sa femme et sa fille nous vinrent rejoindre et où on servit le thé. Le reste de la journée s'écoula en douce causerie, sans émotion, sans tristesse, et en vérité, soulagé moi-même d'un grand poids, je sentais que ma présence était bonne et salutaire à mes hôtes. La soirée fut courte et paisible, assez animée par l'humour du vieux marin qui semblait jouir visiblement de ma présence, et je me sentais peu à peu enveloppé d'un bien-être que je n'avais plus connu depuis longtemps. On m'avait indiqué ma demeure au second étage, au-dessus du grand window de la façade. De là, je découvrais l'océan. Appuyé au balcon, je pouvais suivre le sillage des navires qui ralliaient le port, tandis que les grands rosiers, en escaladant la toiture, laissaient pendre autour de moi leurs lianes chargées de roses blanches. Chassé de mon lit par une vague inquiétude qui n'était pas sans charme, le cœur pour ainsi dire hanté, les yeux fixés sur ces horizons tranquilles que je regardais sans les voir, le tableau de ma vie se déroulait tout d'un coup devant moi, et elle fuyait jour par jour, remplie sans doute et pourtant bien vide, parce qu'elle était pleine de relations passagères qui n'apportaient que du plaisir quand j'aspirais au bonheur. Et je me demandais s'il n'était pas temps de me fixer, s'il n'y avait pas quelque part un être qui pouvait m'aimer, vivre de ma vie, s'exalter de mes joies et souffrir de mes douleurs. L'heure allait venir où cette ivresse constante qui accompagne la jeunesse allait se dissiper et me laisser voir l'avenir dans sa réalité. Je me disais qu'il n'était pas bon de vivre seul, qu'il fallait chercher une compagne et surtout la reconnaître. Mais j'avais peur d'une mésalliance, non pas de celle du rang et de la race, mais celle de l'esprit et du cœur. Quel exil et quel dur esclavage si je me voyais arriver pour la vie à un être doux et charmant qui ne verrait que ténèbres là où je verrais des rayons, qui ne comprendrait point le sens de ma vie et ne partagerait ni mes extases ni mes découragements. Et lorsqu'il croirait avoir rempli mon cœur et accompli son devoir, à toute heure me ramènerait durement sur la terre ou me laisserait seul sur mes cimes. Une image, pâle encore, à peine reconnaissable, m'était apparue au moment de fermer les yeux pour s'effacer dans les vapeurs du sommeil, revenir avec persistance dans le rêve, et me laisser au matin son vivant souvenir. Cette image, c'était celle de Nelly, si douce et si fière. À la fois forte et tendre, grave et légère, que je connaissais à peine, mais dont j'avais senti la sincère étreinte et dont j'étais sûr déjà comme si je l'eusse connue depuis longtemps. Elle serait à la fois une femme et une sœur, forte dans la douleur, prête au combat de la vie comme s'il avait goûté l'existence, puisque son frère, qui s'exaltait devant moi à son seul souvenir, m'avait répondu d'elle. C'était bien la femme que je cherchais. Elle passait devant moi, il fallait la saisir. sans plus attendre, à l'instant même, au détour d'une allée de ce jardin qui s'étendait à mes pieds, à deux pas de ses parents qui m'avaient dit la veille, en me souhaitant une bonne nuit paisible, qu'ils voyaient en moi un reflet du fils qu'ils avaient perdu, je devais aller à elle, tomber à ses genoux, et lui demander la permission de l'aimer toute ma vie. Mais tout d'un coup, une cruelle pensée traversait mon esprit. Si elle n'était plus libre, dans cette solitude où elle vivait, peut-être se gardait-elle pour un autre qui viendrait bientôt prendre sa place au foyer et redemander la foi promise. Ce n'était plus la jeune fille insouciante de l'avenir et qui s'ignore encore, mais un esprit calme, réfléchi, qui sait ce qu'il veut, impose ses volontés plutôt qu'il ne subit celles des autres, et ne va jamais qu'où l'appelle son cœur et sa raison. Si elle avait disposé d'elle-même, si elle s'était engagée, il fallait tout savoir à l'heure même, et s'il n'était plus libre, partir, le chagrin en cœur, et ne jamais revenir. Le matin même, il fut convenu que je ne pouvais quitter les îles sans en faire le tour, et je me gardais de faire une objection. La retraite dans laquelle vivait toute la famille pendant son deuil ne permettait point de m'accompagner. Mais comme entre le déjeuner du matin et le lunch de l'après-midi, j'avais le temps nécessaire, on s'était préoccupé de me retenir une place sur le haut du drag qui part tous les jours et permet de faire l'excursion du tour des îles sans fatigue et d'une façon pittoresque. J'aurais mieux aimé ne point quitter Beldorny, mais les heures matinales y étaient très occupées. Le bon vieillard avait ses habitudes, sa promenade, son Times, son entretien quotidien avec son jardinier, et mon séjour imposé aussi à mes hôtes, dans leur vie paisible et soumise au retour prévu des habitudes quotidiennes, quel que soit nouveau, qui réclamait de leur part un surcroît d'activité. Dans toute autre circonstance, j'aurais beaucoup joui de ma promenade pittoresque d'une petite ville à l'autre. La matinée était charmante. Hissé sur le haut du drag, conduit par un élégant gentleman qui avait réclamé la faveur de remplacer le cocher, j'étais entouré de jeunes filles rieuses, aux vives allures, en frais costumes d'été bien appropriés à la circonstance, accompagnés librement de frères et d'amis, gais comme des écoliers et sans arrière-pensée dans leur jeu. Les beaux paysages, peuplés de charmants cottages séparés par des haies en fleurs, défilaient devant nos yeux, et de temps à autre, entre deux pans de terrain formant une vallée étroite, m'apparaissait la nappe verte de l'océan soulevée par une brise légère, où le soleil scintillait au sommet de chaque vague. Au retour, mes yeux avaient vu juste assez de choses et ma mémoire en avait conservé un souvenir assez précis pour pouvoir répondre aux questions de mes hôtes, qui étaient très fiers de leurs îles. Mais en réalité, j'avais été distrait, troublé, sous le coup d'une idée fixe, et pendant le repas de l'après-midi, quand mes yeux rencontraient ceux de Nelly, j'avais peine à soutenir son regard. L'heure était venue, cependant. Je devais savoir quel sort m'était réservé, et sans faiblesse et sans réticence, mon projet devait s'accomplir. Après avoir, au sortir de table, fait tous ensemble le tour du jardin, nous revînmes à la terrasse, et tandis que l'amiral et sa femme se reposaient à l'ombre du pavillon, un peu loin d'eux, sous une petite charmille, nous nous assîmes, Nelly et moi. De là, nous pouvions suivre le mouvement du port, où les embarcations aux voiles blanches et les yoles agiles allaient et venaient autour du vapeur en partance. Et par moments, le vent nous apportait les accents des cuivres d'une bande militaire installée sur le pont du Victoria. Lentement, nous vîmes le bateau se détacher du bord et s'ouvrir un passage au milieu de la flottille. Encore un instant, il allait passer devant nous, et au moment même où il nous croisait, comme s'il nous saluait au départ, il lâcha sa bordée, dont le bruit, tout attendu qu'il était, nous fit encore tressaillir. Alors, d'un air railleur, Nelly me montra du doigt le vapeur qui aurait dû m'emporter, et moi je ramenai ses yeux au pied de la terrasse, à l'endroit où je l'avais aperçu pour la première fois. Et je ne pus m'empêcher de lui dire que si j'étais passé si lentement la veille, c'est que mes yeux avaient rencontré les siens. Désormais, il ne dépendait plus de moi de rester ou de partir. Un mot de ses lèvres, un geste, un regard suffirait pour m'éloigner ou me retenir à jamais. Ce geste, elle devait le faire. Ce mot, je l'attendais comme un arrêt. En lui parlant, j'avais arraché une rose à la charmille et je la lui tendais. Elle me jeta un de ces regards qui vont chercher l'intime pensée jusqu'au fond du cœur. Puis, comme si elle avait lu ma sincérité dans mes yeux. Elle avança lentement la main, saisit la fleur et disparut derrière le feuillage. Je ne la revis plus jusqu'au soir. La veillée fut courte. Nous restions les uns près des autres, rompant à peine le silence, comme si, unis déjà par le cœur, nous étions tous confondus dans une même pensée. La nuit venue, au moment où je cherchais des yeux le livre de chevet que j'avais laissé sur ma table, je vis un petit agenda fané qu'une main connue avait posé à sa place. C'était celui où mon ami Sir W. avait l'habitude de noter ses impressions. Je l'ouvris, et bien avant dans la nuit, je m'attardais à parcourir ces pages. À l'endroit où manquaient les feuillets qui m'avaient été adressés naguère avec le Milton, une page était repliée, comme si je ne devais point la lire, ou au contraire, comme si on voulait me la signaler. Avec une émotion profonde, mes yeux tombèrent sur un passage où William, confondant mon nom avec celui de Nelly, lui souhaitait de trouver pour elle-même un être qui répondit à son cœur, comme je répondais au sien, et exprimait le vœu de voir se réaliser un jour un espoir que sa pensée avait rapidement conçu. Mais ce passage, Nelly l'avait lu puisqu'il était marqué, ce vœu, elle le connaissait, son cœur avait donc parlé. Elle était donc libre. Au matin, bien avant l'heure où l'on s'éveillait dans le cottage, j'étais déjà sur pied, agité entre la crainte et l'espérance et sous le coup de la fièvre qu'engendre une nuit sans sommeil. Craignant de réveiller mes hôtes, j'ouvris doucement ma fenêtre pour respirer l'air pur du matin, puis, ayant remis à leur place dans le carnet de William les pages qui y manquaient et que je portais toujours dans mon portefeuille, je vins m'accouder au balcon pour attendre l'heure. À peine étais-je là, je vis la robe blanche de Nelly qui disparaissait dans une allée du jardin. Je descendis avec précaution et m'élançai sur sa trace. Elle était sous la charmille comme la veille, les yeux fixés sur l'horizon. Résolu à savoir mon sort, à étouffer dans mon cœur la passion que je sentais naître et m'envahir, ou à lui donner mon existence tout entière, je rendis à Nelly le carnet de son frère et lui demandai gravement si c'était elle qui avait déchiré les pages écrites par William pour me les adresser, si elle avait marqué d'un signe celle qui les suivait, et si enfin elle l'avait lue tout entière. À chacune de mes paroles, elle répondit simplement, sans détour, et tout en me regardant fixement, sans fausse pudeur et sans trouble, elle prit la main que je lui tendais. Alors, en face des flots paisibles et de ces beaux horizons, dans le silence de la nature, à l'heure où autour de moi tout s'éveillait à la vie, je pliai les genoux devant la sœur de celui que j'avais tant aimé et lui demandai la permission de l'aimer toute ma vie. Ainsi s'achève la belle Nelly de Charles Hiriart.